Alors que les femmes savantes, Philaminte, Bélise et Armande, s'extasient à entendre un poème ridicule de Trissotin que Philaminte force Henriette à écouter avant de lui révéler un secret, Trissotin s'adresse à Henriette. « Peut-être que mes vers importunent madame. Point, je n'écoute pas. » Après avoir entendu de la bouche de Trissotin un deuxième poème aussi ridicule et s'être à nouveau extasié, les trois femmes savantes revendiquent à tour de rôle leur goût pour les sciences. Philaminte, je n'ai rien fait en vers, mais j'ai lieu d'espérer que je pourrai bientôt vous montrer, en ami, 8 chapitres du plan de notre académie. Car enfin, je me sens en étrange dépit du tort que l'on nous fait du côté de l'esprit, et je veux nous venger, tout autant que nous sommes, de cette indigne classe où nous rangent les hommes, de borner nos talents à des futilités et nous fermer la porte aux sublimes clartés. Armande, c'est faire à notre sexe une trop grande offense de n'étendre l'effort de notre intelligence qu'à juger d'une jupe et de l'air d'un manteau, ou des beautés d'un poing ou d'un brocart nouveau. Bélise, il faut se relever de ce honteux partage et mettre hautement notre esprit hors de page. Philaminte, et nous voulons montrer à de certains esprits, dont l'orgueilleux savoir nous traite avec mépris, que de science aussi les femmes sont meublées, qu'on peut faire comme eux de doctes assemblées.